Faut du papier. Faut du papier. Tous les jours faut trimer, c'est un peu trop compliqué. Le réveil ça pique les yeux, quand faut y aller, faut y aller. On n'est pas tous nés dans la soie, je viens du ghetto du quartier. Et pour manger à notre faim, il faut qu'on fasse du papier. Moi j'ai choisi la musique, à la tâche je me suis tué. Jour et nuit, et encore même aujourd'hui. De travailler pour les gens, je l'ai fait mais c'est pas mon délire. Pas de sous-métier, le papier c'est le papier. Demande à Black si l'argent ne fait pas le bonheur. Putain de proverbe à la con, j'irai bien gifler son auteur. Et ceux qui pensent pareil, j'écoute passer des bluffeurs. Quand t'as rien dans les poches, crois-moi ça fait peur. Faut qu'on fasse du papier. Faut se lever pour le papier, le papier. Face à la mer, mes parents à mes décos. Toujours bronzé, même l'hiver. Je veux pouvoir claquer sans compter. Même si quand c'était la hesse, je me posais jamais de questions. J'avoue, je claquais quand même. En attendant, je suis cerné. Personne ne va me les donner. Les billets, alors il faut charbonner. Je me plaindrai jamais de ma life. Je suis loin d'être une princesse. J'ai déjà enchaîné trois tafs. Le papier, c'est le papier. Demande à Black si l'argent ne fait pas le bonheur. Putain de proverbe à la con, j'irai bien gifler son auteur. Et ceux qui pensent pareil, j'écoute passer des bluffeurs. Quand t'as rien dans les poches, crois-moi, ça fait peur. Faut qu'on fasse du papier. Faut se lever pour le papier, le papier. Faut aller le chercher, le papier. Faut charbonner pour le papier, le papier. La monnaie, l'oseille, l'argent, les sous, le liquide, l'espèce, ah. Tout pour le bif, la monnaie, l'oseille, l'argent, les sous, le liquide, le papier. Tout pour le bif, la monnaie, l'oseille, l'argent, les sous, le liquide, l'espèce, ah. Tout pour le bif, la monnaie, l'oseille, l'argent, les sous, le liquide. Faut qu'on fasse.